Extrême killer, autant pour moi. Écoute ça, matière réflexion. Ça fait trop d'années qu'on essaye de vous entuber. Ça fait trop d'années que j'essaye de vous réveiller. Ça fait presque 20 ans que le mur s'est effondré. Berlin 89, le jour et nation nous ont brûlé. J'ai grandi en voyant la marche blanche. J'ai grandi quand on creusait encore sous la Manche. J'ai grandi quand l'URSS n'était pas complètement flanche. J'ai grandi quand un arbre ne s'appelait pas branche. J'ai vu deux bouches à la tête des USA, deux connards à la tête de beaucoup trop de soldats. Il n'y a jamais eu de paix depuis la Seconde Guerre mondiale. Voici ce qui fut oublié, Coréen de Chine ou même Vietnam. Du centre de sang pour faire tourner la roue. Du 100% rappel avec la mort au bout. De la vérité j'en ai à vendre car j'ai marché sous trop de cendres. Coupez les autres merdes, il est temps de m'entendre, il est temps pour vous de comprendre. Il est temps de s'élever, temps de voir la vérité. Temps pour la révolution, temps de remplacer ces cons. Un temps pour chaque chose, c'est le temps pour ma prose. Temps de me faire entendre, temps de tout entreprendre. Il est temps de changer, il est temps d'écouter. Temps de tout éclater, temps de prendre les armes. Temps d'effacer les larmes, temps de se souvenir du chemin des dames. Temps de se souvenir que trop de tombes remplacent des âmes. Ce monde n'est pas fiable car dirigé par trop d'imbéciles. Ici l'encadrement n'est pas d'amour mais fait par des missiles. Si tu m'entends maintenant, c'est qu'il est déjà trop tard. C'est que le monde a franchi une limite qui nous plonge tous dans le noir. Quand l'heure est en feu et que la justice n'existe plus. Quand ce que j'ai cru être un feu d'artifice ne m'amusait plus. C'était trop de bombes sur des édifices qui ne répondaient plus. C'était trop d'ombre dans des pays qu'on n'écoutait plus. J'ai vu le monde se déchirer pour un même dieu. Vu des nations se faire diriger comme un plateau de jeu. J'ai vu les poissons mercure et les poulets dioxines. J'ai vu trop d'explosions et des humains en vitrine. J'ai lu trop de livres pour qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai vécu tout en live, même les mensonges contre mes frères. J'ai vu vos plans d'action, vos guerres sont des violations. J'ai su pour les avions, il faut prévoir une révision. Parce que je compte aller beaucoup plus loin. Et crois-moi bien que ce monde l'entendra bien. Car quand la population crie sa rage, le monde tourne une page. Je sais que je fais peur car de la cendre naîtra un monde meilleur. Il est temps de comprendre qu'on se fout de votre gueule. Que votre liberté peut se vendre pour que vous soyez seul. Vous êtes tous manipulés, vous la société, vous êtes tous des esclaves. Le monde est votre enclave. Il est temps d'arrêter les prières et de voir où est la lumière. Il est temps pour vous mes frères de comprendre qu'on peut être fier. Il est temps de vous réveiller, il est temps pour s'évader. Il est temps pour vous de changer, il est temps d'être l'humanité. Trop d'hommes et de femmes qui se sont battus pour qu'on ait des libertés et qu'on a dû. Mais la parole a dépassé les armes et on a entendu. Aujourd'hui ils ont compris car ceux qui parlent c'est ceux qu'on tue. J'ai vu un Bush diriger des nations avec cartouche. J'ai vu dans sa bouche des déclarations trop louches. Du pétrole dans sa douche, même jusque dans sa bouffe. Faudra le changer de couche, l'enterrer ce ouf. Je suis ma propre censure, je n'ai pas besoin de cure. Ce que je dis reste pur, pas comme l'air de votre nature. Je suis le fruit beaucoup trop mûr d'une planète à l'agonie. Je suis le fruit de la culture, celui qu'on vous interdit. Je ne t'oblige pas à me croire, mais ne reste pas indécis. Tu vois bien que le monde foire, écoute bien ce récit. Car je n'oublie pas mon histoire, mon grand-père a porté fusil. Et s'il s'est sorti du noir, son petit-fils le peut aussi. Il a vu les camps, moi je les ai vus dans un écran. J'ai vu tous ses enfants, un seul homme direction néant. Hitler n'était pas le seul, aujourd'hui ça continue. Eux tout ce qu'ils veulent, c'est juste tuer notre rue. Il est temps de s'élever, temps de voir la vérité. Temps pour la révolution, temps de remplacer ces cons. Un temps pour chaque chose, c'est le temps pour ma prose. Temps de me faire entendre, temps de tout entreprendre. Il est temps de changer, il est temps d'écouter. Temps de tout éclater, temps de prendre les armes. Il est temps d'effacer les larmes, temps de se souvenir du chemin des dames. Temps de se souvenir que trop de tombes remplacent des armes. Il est temps de comprendre qu'on se fout de votre gueule. Que votre liberté peut se vendre pour que vous soyez seul. Vous êtes manipulés, vous la société. Vous êtes tous des esclaves, le monde est votre enclave. Il est temps d'arrêter les prières et de voir où est la lumière. Il est temps pour vous mes frères de comprendre qu'on peut être fier. Il est temps de vous réveiller, il est temps pour s'évader. Il est temps pour vous changer, il est temps d'être l'humanité. Il est temps de s'élever, temps de voir la vérité. Temps pour la révolution, temps de remplacer ces cons. Un temps pour chaque chose, c'est le temps pour ma prose. Temps de me faire entendre, temps de tout entreprendre. Il est temps de changer, il est temps d'écouter. Temps de tout éclater, temps de prendre les armes. Temps d'effacer les drames, temps de se souvenir du chemin des larmes. Temps de se souvenir que tous mes mots remplacent leurs armes.